اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اهدينا إلى الهدى إلى الهدى. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اهدينا إلى الهدى إلى الهدى. Dans le silence des mosquées, dans les prières de la nuit, il a compris la vérité, il a lutté contre l'oubli. Il voulait être musulman, il voulait l'être tout le temps, son cœur débordait de lumière quand il était dans sa prière. Ses yeux ne cessaient de pleurer lorsqu'il voyait tous nos malheurs. Prosternés dans l'obscurité, il s'adressait à son Seigneur. Allahumma tub alayna, Allahumma ighfir lana, Allahumma ihdina ila al-huda ila al-huda. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اهدينا إلى الهدى إلى الهدى. Il a retrouvé la confiance, il faisait des invocations, regrettant les mauvaises actions qu'il a commises dans l'ignorance. Il voulait être musulman, il voulait l'être tout le temps, son cœur était rempli de joie, Allah lui a montré la voie. Il a suivi le droit chemin, que ses péchés avaient caché, dans la prière du matin, il a rencontré la piété. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اهدينا إلى الهدى إلى الهدى. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اهدينا إلى الهدى إلى الهدى. Louange à Allah mon Seigneur, qui a guidé ce musulman vers ce qui est la vraie croyance, vers la bonté et la patience. Il est devenu musulman, il le restera tout le temps. Allah conduit au paradis tous ceux qui se sont repentis. Nous retournerons à Allah, qui jugera tous les humains. Soyez fidèles au Créateur, il n'oublie pas ses serviteurs. Allahumma tub alayna, Allahumma ighfir lana, Allahumma ihdina ila al-huda ila al-huda. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اهدينا إلى الهدى إلى الهدى. Il voulait être musulman, il voulait l'être tout le temps, son cœur débordait de lumière quand il était dans sa prière. Il voulait être musulman, il voulait l'être tout le temps, son cœur était rempli de joie, Allah lui a montré la voie. Il est devenu musulman, il le restera tout le temps, Allah conduit au paradis tous ceux qui se sont repentis. اللهم تب